Cours numéro 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-Thani Ashar, le 12e fruit, min thamarat al-Iman, al-intifa' bil-mawa'id wa al-tathkir wa al-ayat. Qala Allah ta'ala wa dhakkir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Inna fi dhalika la ayatan lil-mu'minin. Le 12e fruit, أن من تمكن الإيمان في قلبه, celui qui a la foi dans le cœur, il accepte très très facilement al-mawa'id wal-nasa'ih wal-tathkir. Il accepte le conseil, il accepte le rappel, il accepte la vérité. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وذكر, fais-leur le rappel, conseille-les. Inna dhikra, le rappel, ça profite aux croyants. Ça nous montre anna al-iman, parmi les énormes fruits, c'est que ce croyant, il acceptera la vérité. Il acceptera la nasiha, il acceptera al-haq. Qala wa hadha li anna al-iman yahmilu sahibahu ala al-tizam al-haq wa tibaihi ilman wa amala. La shak anna al-iman, ça pousse le croyant à accepter la vérité, à mettre en application. Wa kadhalika ma'a al-alati al-azima. والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. لماذا؟ لأن المؤمن il a le cœur prêt à accepter le haq. Et ça, c'est pas tout le monde. Par rapport au haq, tu trouves que les gens ils sont de deux catégories, ceux qui acceptent le haq, ceux qui le rejettent. Ça ne veut pas dire que ceux qui acceptent le haq, ils l'acceptent toujours. L'insan, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des manquements, il peut avoir une ambiguïté, il peut avoir une baisse de foi. Lakin, si on veut partager en deux catégories, en général, ceux qui acceptent le haq, les croyants, et ceux qui le rejettent. Al-Kuffar et ceux qui le ressemblent. Thomas, ceux qui rejettent le haq, c'est la même chose. Celui qui rejette complètement le haq, enfin, c'est un kafir, c'est un mécréant, il n'y a aucun doute. Il rejette la croyance, il rejette la prophétie du prophète, il ne croit pas au Coran, il rejette tout le haq. Il n'y a aucun doute, c'est un kafir. Et tu trouves d'autres, ils rejettent le haq. Lakin, c'était croyant. Et parfois, ils rejettent la vérité à cause d'un manquement, etc. Donc, vous avez vu que ces deux catégories, c'est min hayth al-ijmal. Al-mu'min, il accepte le haq. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité. Et une des causes, c'est hadha al-iman. Il sait que ce haq, c'est min Allah. La vérité, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq. Parmi ses noms, al-haq. C'est lui qui a révélé al-haq, la vérité. C'est lui qui a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam bil-haq, avec la vérité. Donc le mu'min, il connaît tout ça et sa foi, elle le pousse à accepter la vérité et à surtout ne pas le rejeter. Et il peut avoir un manquement ou une ambiguïté, une incompréhension, ça arrive. Al-kafir, pourquoi il rejette al-haq? Parce que c'est un kafir, il n'a pas هذا الإيمان pour lui faciliter à accepter. Mais sa mécréance, elle le pousse à rejeter. Et tu trouves un al-kuffar, il rejette bi'inat, imma bi-kibr, imma bil-jahl, l'ignorance, ou autre. قال وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد ومن كان كذلك انتفع بالآيات. Deux choses. الإيمان, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer salamatu al-fitra. Celui qui a l'iman et il est à al-fitra, ça c'est le premier point. Wa husn al-qasd, il a une bonne intention. Kadhalik, il a d'énormes causes pour accepter la vérité. Si on prend husn al-qasd, la bonne intention. Matalan, parmi la bonne intention, c'est l'intention la plus importante, c'est d'avoir la conviction ferme, la sincérité d'apprendre pour mettre en application. Ça doit être ça le but du mu'min. Le but, c'est, j'ai l'intention, si tu me cites un verset du Coran, ou un hadith du prophète sallam, ou la voix des compagnons radiyallahu anhum, je sais que ça fait partie de la vérité, ça fait partie de notre din, c'est notre religion, et je sais que ça va m'être profitable. Pourquoi? Parce que je suis un croyant. C'est ça, husn an-niyya. Pourquoi rejeter? Pourquoi rejeter alors que si j'ai une bonne intention, mon but c'est la vérité. La vérité elle m'est exposée, je dois accepter. Mais à qui l'inverse? Al-an, qala, wa man lam yakun kadhalik. celui qui a une mauvaise intention. فلا يستغرب عدم قبوله للحق. Ça, ça nous montre qu'il y a parmi les plus grandes causes d'égarement. Et le fait que l'insan n'accepte pas le nasiha, il n'accepte pas le haq, c'est la mauvaise intention. قال عدم قبوله للحق واتباعه له ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك وهو الكفر الذي في قلوبهم. Combien de آيات qui montrent أنهم ils n'ont pas accepté الحق, ils n'ont pas voulu suivre النبي صلى الله عليه وسلم à cause de la mécréance qu'il y avait dans leur cœur. قال يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة. صحيح, الحق il est clair. Ce qui est pas clair, c'est al-batil, les ambiguïtés, les doutes, tout ça c'est pas clair, ça peut être ambigu. Mais al-haq il est واضح. Tu prends at-tawhid, tu prends masail al-iman, tu prends arkan al-islam, tout ça c'est واضح. Bien sûr, tu peux avoir des masail an al-insan, il est pas sûr au départ, ça demande une étude, etc. Lakin on parle de asl al-din wa al-iman, etc. Il n'y a aucun doute là, c'est واضح pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé. قال والكفر اعظم مانع يمنع من اتباعه. Cette clarté de la vérité, cette simplicité pour al-kafir, ça devient compliqué et il n'arrive pas à accepter. Pourquoi? Parce que il a un mani dans le cœur. Le cœur, on le répète, on l'a cité كثيرًا, c'est comme un récipient. S'il est à la fitra, comme قال الشيخ سعدي, si ce cœur, il est rempli de sincérité, une bonne intention, il veut la vérité, si la vérité lui est exposée, le cœur, il est prêt à l'accepter. Directement, il l'accepte. Et ça lui fait monter sa foi. Al-kafir, ce cœur, il est déjà plein. Il n'est pas prêt à accepter la jalousie, la mécréance, l'orgueil, etc. Quand ce haq lui est exposé, il n'est pas prêt. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide, il se repente, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur purifie leur cœur et ils acceptent. قال والكفر اعظم مانع يمنع من اتباعه اي اتباع الحق اي فلا تستغربوا هذه الحاله فانها لم تزل ذئب كل كافر. C'est pour ça que on doit pas être étonné. صحيح احيانا المؤمن المسلم il se pose des questions, mais comment ce kafir, malgré toutes ces ayat, malgré ces signes, encore plus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Kuffar Quraysh, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe. La lune, elle s'est fendue. Marra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé devant un mouchrik, un arbre. Un arbre, il a appelé. L'arbre, il est venu. Il s'est déplacé, l'arbre. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de retourner. Ils ont vu ce signe. On a détaillé dans une kalima ensemble. Et malgré cela, ils n'ont pas cru. L'imad, l'Iyana l'a guidé, c'est biadillah. Bien sûr qu'il y a des causes. Les causes, c'est vouloir la vérité, être prêt à entendre, être objectif, la modestie. Le kafir, vu que toutes ces caractéristiques qu'on vient de citer, il en est très très loin. Belhum, c'est manque d'objectivité claire, mécréance, jalousie, orgueil, etc. Même un signe clair, ils disent non, mais c'est de la sorcellerie, c'est un mensonge, etc. Ça, ça montre anna sahib al-batil wal-inat. Ça, c'est une faïda, ya ikhwan. Anna, si tu sens que quelqu'un n'aime pas la vérité, il ne veut pas la vérité, il n'est pas objectif, et fihi jidal katir, et il polémique beaucoup, ne perds pas ton temps à lui parler. Ne perds pas ton temps. Si c'est un proche, parle avec lui dans umur ad-dunya et un bon comportement. La'allahu il accepte ta da'wa avec le bon comportement, etc. Mais le jidal, tu feras que l'éloigner et te rendre malade. Mais si c'est pas un proche, il n'accepte pas le haq, il fait du mal, fa délaisse-le lillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. On peut citer huna une parole jamila de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh. Il a cité awwalan dans un kitab Hidayat al-Hayara fi Ajwibat al-Yahud wal-Nassara, il a écrit un livre, une réfutation contre les juifs et les chrétiens, et il a démontré anna min asbab al-mani'a min qabul al-haq al-jahl bih, l'ignorance. Man jahila shay'an 'ada, tu trouves ba'd an-nas, et c'est lié à l'orgueil. Pourquoi? Parce que s'ils ignorent une chose, ils pensent que forcément cette chose, elle est fausse et elle est mauvaise. Et nous, on doit faire attention. Il y en a beaucoup de mu'minines, à cause de l'ignorance, ils entendent une chose, pour lui, ça peut être une chose étonnante, directement il rejette, il pense que c'est faux. Là, en tant que mu'min, tu dois appliquer la parole d'Allah Azza wa Jal, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Demande al-hujjah, demande al-dalil. Tu es étonné, tu n'as jamais entendu, beaucoup de gens ils ne font pas, tu n'as jamais vu. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une cause que cette chose que tu as entendue, c'est faux. Ça peut être la vérité, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais entendu, tu es mal entouré, etc. Ça arrive. Donc, al-jahlu bih. كذلك il a cité بغض من أمره بالحق. Ça, c'est une autre cause. Il sait que c'est la vérité, mais il déteste celui qui lui a apporté cette vérité. C'est une cause pour qu'il rejette la vérité. Ça, c'est très très grave. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ani shaytan sadaqaka wa huwa kadhab. C'est shaytan, l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi des croyants, qabla dalik, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la shaka annahu, il le détestait, fillah. Et il a dit sadaqak, il a dit vrai. Et c'est un menteur. Fa nahnu par rapport à, même si c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être détesté, il y a deux cas. Certains ils méritent d'être détestés comme shaytan, comme les alliés de shaytan, min al-kuffar wa kadhalik ahlul bid'a wa ad-dalal. Même si on les déteste fillah, s'ils disent une vérité, on n'a pas le droit de la rejeter. C'est le haq, c'est le haq. Une remarque qu'on a citée souvent ma'akoum, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité beaucoup de savants, elle a ne pas comprendre min hada, elle a accepté ce haq, c'est le rechercher auprès de abadan. Nana wahid peut se demander, mais les savants ils disent de ne pas prendre la science chez les égarés. Là, la rechercher, tu n'as pas le droit. Lakin, quand tu es dans la rue, un juif, un chrétien, un innovateur, il dit une chose. Il dit une chose vraie. Il dit Allah, il existe. Il dit le Coran, c'est la parole d'Allah. Si c'est un mubtadi, un croyant, un mu'min, il dit le Coran, c'est la parole d'Allah. Et un autre, il te demande, il te dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Est-ce qu'on va dire là? N'a'oudou billah, on dit, non, c'est la vérité. Lakin, c'est un menteur, ihdar, fais attention, c'est un kada, c'est un kada. Hada, c'est muhim, donc rechercher la vérité, on la recherche vers Ahlul Haq. L'accepter, on l'accepte de tout le monde si elle nous parvient. Lakin, on la demande, on la recherche que vers Ahlul Haq. Bourd, man amarahu bil haq, ça peut être un autre cas, c'est que les gens, ils le détestent, lakin bidhulm. Matalan, certains, ils détestent certains savants de l'islam. Pourquoi il y en a où il y a une shubha? Ils ont sali son image, etc. Ils le détestent. Ils n'acceptent plus le haq. Donc, il faut voir, est-ce que celui que tu le détestes vraiment, fillah, et tu as des preuves. Thumma, le haq, dans tous les cas, il doit être accepté. Fal hadar, ça c'est min al-hawa. Ça c'est min al-hawa. Ceux qui détestent ahl al-haq, ou ils détestent le haq, qui vient d'une personne, même si c'est une personne qui appelle au faux, hada, ça montre le hawa. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne recherchent plus le haq, non. Il recherche une information qui vient des personnes qu'il a gré lui. Et ça, c'est très, très grave. Vous avez remarqué que Badanes, il n'accepte pas une parole. Pourquoi? Parce que c'est Imma des ignorants, Imma, ils suivent aveuglément, Imma, celui qui l'a cité, il le déteste, etc. Tu trouves la même parole. C'est un de ses amis qui dit cette parole, ou une personne dont il suit aveuglément, ou il s'est fanatisé à cette personne, il l'accepte. Alors que la parole, c'est la même. Ça, c'est min al-hawa. Enfin, الحذر من هذا قال فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادته إلى آخر على ما كان عليه. Ça c'est une autre chose, أنه il est habitué à faire l'inverse. عادة, أنه il avait l'habitude de faire cette chose. Maintenant pendant des années il a fait la salade de telle façon, il a vu ses parents, on lui a appris comme ça. Du jour au lendemain un frère il lui dit ce que tu fais c'est une bid'a. Et il lui cite les adillah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, as-sahaba radiyallahu anhum fa'alu. Il a du mal à accepter, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'habitude. Et le fait de reconnaître, d'accepter, ça veut dire que tout ce qu'il a fait pendant des années, c'était faux. L'orgueil, il rentre. C'est pour ça qu'on ne citera pas tout le kalam dit Ibn Qayyim. On essaiera, inshallah, de le lire prochainement dans une kalima. Ça serait intéressant. Il a cité un kalam jamil. Lakin, il a cité à la fin, wa min a'zam hadhihi al-asbab al-hasad, la jalousie. La jalousie qui pousse à l'orgueil. قال فإنه داء كامن في النفس ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه. Le jaloux, quand un autre dont il envie sa situation, etc., il le conseille, il lui apporte une vérité, et vu que il est jaloux, et s'il accepte pour lui, il pense que cette personne dont il envie, qu'il envie ou il jalouse, enfin pour lui cette personne elle va être élevée par rapport à lui, donc il refuse. نعوذ بالله. قال وأوتي ما لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. La jalousie, elle ne le laisse pas. Son cœur, vous rappelez que le cœur, pour être prêt, il faut qu'il ait une bonne intention, il faut qu'il soit préparé. Ce cœur, il est malade, il n'est pas prêt. Cette jalousie, il refuse. Quitte à ne pas suivre, quitte à délaisser, quitte à s'égarer, et Yadam Billah, il persiste. Ça, c'est très très grave. Ya Akhi Karim, pourquoi ? Pourquoi cette jalousie ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève. S'il a le haq, tu l'acceptes. Si c'est ton frère musulman, à la sunnah, va tuer son frère et c'est ton frère. Et si Allah l'a élevé par rapport à toi, alhamdoulilah, profite de lui. Si tu peux lui apprendre des choses, enseigne-lui. Alhamdoulilah. L'essentiel, c'est qu'on rentre tous fil jannah, on est des frères. Al-amr sahl. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont un statut plus élevé que nous. Les prophètes, alayhim salatu salam, les compagnons, radiyallahu anhum, les savants de l'islam, des étudiants en sciences, des gens minal awam, rubbama, ils font plus d'adoration, ils ont plus de sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève qui veut. L'essentiel, c'est que nous, on fasse partie de cette communauté. Et on fait des efforts et on se concurrence dans le khayr. Si tu vois que ton frère, il avance, ne le jalouse pas, concurrence-toi, fil khayr. Et entraide-toi ma'a. Qala, wa hal mana'a iblis min as-sujud li adam illa al-hasad. C'est quoi qui a poussé Iblis à sa perte? C'est la jalousie. Cette jalousie qui l'a poussé à s'enorgueillir. Vous avez remarqué que la jalousie et l'orgueil, c'est lié. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner à Adam. Il a pensé qu'il était meilleur qu'Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Il a pensé que lui, il était créé de feu. Le feu pour lui, c'est mieux que l'argile, la terre. Il n'a pas voulu. Il s'est enorgueilli. Il a persisté. Il s'est égaré. Allah, il l'a maudit. Ayyadam billah. قال فإنه لما رآه قد فضل عليه فضله فضل عليه ورفعه فوقه إلى سك le fait de se prosterner s'il serait prosterné c'est une obéissance à Allah il aurait réussi لكن il sait que ça veut dire que Adam il est meilleur que lui ça veut dire que Adam il est meilleur que lui il n'y a aucun doute Adam c'est un prophète il était meilleur que Shaitan il a refusé Adullah قال واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. انظروا المنزلة كلامه. Il était بين الملائكة. C'était pas un ange. القول أنه c'est un ange, c'est باطل. لا, c'est un djinn. Et il était avec الملائكة. Et Allah, il a ordonné aux anges de se prosterner. Ils se sont prosternés. Il lui a ordonné à lui, il a refusé. فطرد. Il s'est fait expulser de الجنه. Et Allah سبحانه وتعالى il l'a maudit. Et il حكم عليه. Cette créature, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a condamné à l'enfer. Et Iblis, il mourra, il rentrera en enfer éternellement. Tout ça pourquoi ? Al-Hasad. Al-Hasad, il n'a pas apprécié, il n'a pas accepté que Adam il soit élevé par rapport à lui. A'oudou billah. Enfin, on a déjà traité ce sujet, Adhkur. Je viens d'y penser, les causes qui écartent de la vérité. Et Nassit, on avait cité, je pense, une parole de Mu'allimi ou d'autres. Rahmatullah alayhi. Lakin, si cette parole de Ibn al-Qayyim, on ne l'a pas traitée, on essaiera, inshallah, de traiter ce sujet. On l'a déjà fait, pour ceux qui veulent écouter, qui veulent des détails, on l'a propagé il y a un certain temps. Et, alhamdulillah. Falhadr, fais attention, akhil karim, de ne pas rejeter al-haq quand le haq était exposé. Ihdar, on ne doit pas jouer avec notre dîn. قال الله عز وجل في كتابه العظيم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ابن القيم رحمه الله par rapport à ce verset, إن الله سبحانه وتعالى il a informé أن il fera tourner les cœurs, il fera tourner les cœurs ou l'absar de ceux qui n'ont pas cru au départ, et ceux qui ont rejeté la vérité au départ. Ils ont refusé au départ, Allah il les égare et ils n'acceptent plus. فحذر. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله من بدايع الفوائد حذار من أمرين لهما عواقب سوء أحدهما رد الحق لمخالفة هواك. Fais attention de ne pas rejeter la vérité par rapport à tes passions. C'est ce qu'on vient de résumer من كلام ابن القيم رحمه الله. أي la jalousie, etc. فإنك تعاقب بتقليب القلب. لا تظن أن c'est simple. Un frère fait une nasiha, il te cite, « Ah, Satan, il sait que c'est la vérité. »« Yahri, tu sais que c'est la vérité, alhamdulillah. » Wallahi, le fait d'accepter, Allah, il t'élèvera. Et ce frère qui t'a conseillé, si tu acceptes directement, tu auras une grande place dans son cœur. L'imad al-yana al-mu'min, il aime ceux qui acceptent le haq. C'est le shaitan, il nous fait croire pourquoi tu acceptes mes cadeaux, c'est que Shaitan. قال وردي وردي ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قلبه هواء. صحيح بعض الناس ils acceptent le haq que quand ça correspond avec ses passions. Ou il faut que c'est un tel qui dise. Ya ikhwan, le haq c'est pas réservé qu'à un tel. Tu trouves بعض الجهال, بعض أهل الأهواء, ils font ça même avec les imams de la communauté. Il faut que la vérité ça elle sorte de la bouche de tel imam. Ça c'est min al-hawa. Allah subhanahu wa ta'ala il élève qui il veut. Al-Sunni doit aimer tous les savants de la Sunna. Le haq, ahyanan, c'est tel imam, ahyanan, c'est tel un autre imam. Ahyanan, ils sont tous unanimes, alhamdoulilah. Enfin, tu essaies d'être avec le haq ou que le haq, il est. Mais attention de ne pas te retrouver dans un côté et le haq, il est dans un autre côté. Ça, c'est, ayyadan billah, une cause pour périr. Hada wallahu a'lam. Qala, al-Sheikh Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Wa minha. Et parmi les fruits de l'Iman, le 13e, « Anna l'Iman yahmilu sahibahu ala shukr fi halati as-sarra wa sabr fi halati dharra » Hada taqaddam ma'ana kathiran, quand on a parlé des épreuves, et il a cité huna, dans un point à part, « Anna l'Iman, ça va pousser ce muslim, en cas de facilité, il reçoit un bienfait, min Allah azza wa jal, il est dans une situation confortable, il est reconnaissant. « Wa sabr fi halati dharra » Il est touché par une maladie, par une épreuve, par la pauvreté, par une difficulté, il patiente. قال وكسب الخير في كل اوقات. اي انه il est toujours sur le bien, المؤمن. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته الضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. C'est réservé qu'aux croyants. Mais autre que le croyant, al-kafir al-mujrim, quand il reçoit un bienfait, minallah, bonne santé, enfant, argent, Obama, il utilise ces choses dans le haram et il n'est jamais reconnaissant. Et quand il est touché par un mal, une épreuve, à cause de ses propres mains, ça, tu le trouves, il patiente pas, il se plaint. Et tu trouves al-mu'minin à cause d'une faiblesse dans la foi, et ils ont des manquements fi hada. قال والشكر والصبر هما جماع كل خير فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته رابح في كل حالاته dans tous les cas. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال عجبا لأمر المؤمن. Le cas du mu'min, il est étonnant. Il est toujours dans le bien. Difficulté, facilité. Bien, mal. Épreuve ou confort. Il est fi khair. Lakin avec ces deux points. جماع الدين. C'est une des bases de notre religion, ces deux points. Être reconnaissant et être patient. Et sahih, la vie du mu'min, belle de tous les êtres humains, notre vie, imma c'est, elle est faite de difficultés ou de facilités. Imma tu as de l'argent, imma tu n'en as pas, imma tu es en bonne santé, imma tu es malade. Enfin, dès imma tu es entre des bonnes choses ou des épreuves. Enfin, si tu as ces deux choses, al-shukr wa sabr, tu seras heureux tout au long de ta vie. Tu es prouvé patiente. Tu es dans une ni'ma, sois reconnaissant. Alhamdulillah, tu sortiras jamais d'une de ces deux situations. Abadan. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. Ça montre qu'on a dans cette situation délicate, cette épreuve, l'angoisse, la tristesse, adha, un mal qui te touche, c'est une cause pour que Allah te pardonne tes péchés, il te purifie. Fais-tu à la khair. قال فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان نعمة حصول ذلك المحبوب ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك وبذلك تتم عليه النعمة. هذا كلام جميل. يجتمع للمؤمن المؤمن quand il est fi ni'ma والسراء deux choses, deux autres ni'ma. Quand tu as un bien, ça va impliquer deux ni'ma. نعمة حصول ذلك المحبوب, la ni'ma de ce bien, مثلاً Allah subhanahu wa ta'ala razaqak waladan. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un enfant. C'est une énorme ni'ma, c'est cette chose que tu aimes. قال وَنِعْمَةُ التَّوْفِيقِ لِلشُّكْرِ. كذلك une deuxième ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite d'être reconnaissant. Enfin, il te donne cette chose que tu aimes, et en plus, s'il te facilite la reconnaissance, فَنُورٌ عَلَى نُورٍ. قال وَيَشْتَمِعْ لَهُ عِنْدَ الضَّرَّاءِ ثَلَاثُ نِعَمٍ. Vous avez remarqué que un ni'am, lors de la difficulté, les bienfaits de la difficulté, ils sont plus nombreux que les bienfaits lors de la facilité. Lors de la facilité, deux choses. Cette chose que tu aimes, qui t'a donné, Allah Azza wa Jal, et la reconnaissance. Dès que tu es éprouvé par une chose difficile, délicate, dure, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne trois ni'mah. Trois bienfaits. Ni'matu takfir as-sayyi'at, il te pardonne tes péchés. Awwalan. Wa ni'matu husul martabati as-sabr, allati hiya a'la min dhalik. Deuxièmement, atteindre le niveau de la patience. Wa ni'matu suhulati ad-dharra allati 'alayhi. Thalithan. Wa ni'matu suhulati ad-dharra allati 'alayhi. Kadhalik, cette difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter à patienter et tu verras que ça partira. C'est min Allah, c'est une ni'mah. قال لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette épreuve. Et si tu es sincère et tu patientes, il te facilitera cette patience pour t'aider à surmonter cette épreuve. C'est une ni'ma. Avec la récompense, il te pardonne tes péchés. Qu'est-ce que tu veux de plus, Akhil Karim? Si on arrive à comprendre, à mettre en application, si Allah subhanahu wa ta'ala nous waffaqanna, ce genre de principe il pénètre dans notre cœur, vous verrez que notre vie elle sera très très simple. C'est facile à lire, on le lit un ensemble et c'est un kalam jamil, il n'y a aucun doute. Lakin inda al-musiba, si l'insan il est pas prêt, tout ça il peut l'oublier très très vite. Fali hadha al-ilm c'est important. Fali hadha le rappel c'est important. Fali hadha fréquenter ceux qui ont atteint ce niveau et qui ont ce genre de principe, c'est très très important. Amma lire cela aujourd'hui, thumma fréquenter al-juhal, Ashabul Ghafla, la moindre chose, Rubama, dès que tu es touché par l'épreuve, il peut te dire une phrase, un mot, et ça te fait perdre ton sang-froid. Et tu t'engouffres dans la tristesse, et dans les reproches, et dans les remords, et ça te fait beaucoup de mal. Amma, Ahlul Haqq, ou Ahlul Huda, si, quand on est touché par ces épreuves, il nous rappellerait ce genre de calme, alhamdulillah. Pourquoi perdre ton calme, Akhil Karim? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, Abedan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a été triste. Lakin, une tristesse normale. Triste un jour, deux jours, et après, alhamdulillah, tu avances. Allah, il t'a pardonné tes péchés. Allah, il t'a donné une énorme récompense parce que tu as patienté. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité à traverser cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alhamdulillah, et tu as l'iman. Si tu meurs à l'iman, tu fais partie des gens du paradis et tu auras ce que tu veux, les récompenses que tu veux éternellement. Enfin, c'est un khair azim. C'est un khair azim, mais c'est nous. On a des manquements dans la patience et dans la reconnaissance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et qu'il nous guide. Qala rahimahullah, al-rabi'ata ashar, quatorzième fruit. Wa minha anna al-iman yaqta' al-shukuk, allati ta'ridu li kathir min al-nas, fatadhurru bi dinihim. Et ça c'est un autre fruit très très important. Anna al-iman, quwwat al-iman, une fois élevé dans le cœur, ça va repousser les doutes. L'être humain, il est face et il peut être la proie de beaucoup de doutes et d'ambiguïtés. Mina shaitan et les suiveurs de shaitan. Nafs shaitan, si le cœur n'est pas prêt, ces doutes ils peuvent détruire la vie de ce mu'min. Ils peuvent annuler sa foi. Ils peuvent le conduire à sa perte, ici-bas et dans l'au-delà. Enfin, la cause... Et en même temps que c'est une cause, c'est un énorme fruit. Al-Iman, ça repousse les doutes. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Al-Mu'minun, ils n'ont aucun doute. Ils n'ont aucun doute concernant l'existence d'Allah, concernant Al-Tawhid. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. Il a des noms et des attributs parfaits. Ils n'ont aucun doute sur la véracité du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont aucun doute sur l'au-delà. Qu'Allah il a créé l'enfer, le paradis, le châtiment de la tombe, as-sirat, etc. Ils n'ont aucun doute fi hada. Qala ay daf'a al-iman as-sahih alladhi ma'ahum ar-rayb wash-shak al-mawjud wa azalahu bil-kulliyya. Wa qawam ash-shukuk allati tulqiha shayatin al-ins wal-jinn. Na'am, ana hada al-iman as-sahih. Ce iman solide, authentique, c'est une cause pour repousser les doutes. Wa قال وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن. Ça, ça nous montre أن بعض الناس بعض الشياطين, que ce soit des êtres humains ou des djinns, ils font tout pour propager les doutes. Encore plus à notre époque, ya ikhwan. On doit faire attention. Wallahi, on est exposé à un châtiment permanent. لولا حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فالحرب على الإسلام. Surtout, vous avez remarqué qu'on vit à une époque, c'est plus un harb avec les armes dans la plupart des contrées, des endroits. Dans certains endroits, Al-Kuffar, ils font du mal à nos frères en Chine, en Inde, dans certains pays d'Afrique, etc. L'échec, hada. Lakin, dans la plupart des endroits, ils combattent les musulmans avec hadihi al-shukuk. Si tu n'es pas prêt à repousser, à te protéger, à te préserver, tu es à la khatar azim. Et ce combat, tu ne vas pas le mener avec des armes, avec ton physique. Abadan. Ça, c'est un combat que tu dois mener avec l'ilm, en apprenant l'iman. Si tu connais ta aqidah, tu connais la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces ambiguïtés, ces attaques, ces doutes, min ha'oula shayatin, ils ne trouveront aucune place dans ton cœur, bi'idnillah, azza wa jal. Et ad-du'a, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, an yuthabbit quloubana, ala al-din, ala al-haq, ala al-huda. قال والنفوس الأمارة بالسوء فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. Il n'y a pas de دواء, il n'y a pas de remède pour repousser ces doutes sauf l'Iman. كذلك faire les causes. Tu trouves بعض الناس, بعض المسلمين, à cause de leur ignorance. كذلك الشيء من الكبر, un peu d'orgueil, ils veulent montrer leur avis. Ils veulent imposer leur avis. Il a akhiri min hadha al-bab, ayyadan billah, yunaqishun. On ne parle même plus de ahl al-bid'a faqat. Yunaqishun ahl al-ilhad wal-kufr. Yunaqishun al-zanadiqa. Tu les trouves dans les réseaux sociaux khas. Ils exposent leur cœur à ces doutes. Wallahi, ahyanan, tu ne sais même pas qui c'est derrière l'écran. Tu parles à quelqu'un, tu ne sais pas c'est qui. Rubama, c'est un shaytan. Min al-jin, on ne dit même pas min al-ins. Et يضحك عليك يا انت tu exposes cette ni'ma, ce cœur que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé, tu l'exposes à toutes ces ambiguïtés. Fattaqillah akhi al-karim, taqillah. Pour s'éloigner des doutes, on doit s'écarter de ceux qui ont des doutes. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. La tarkan, ne penche pas vers eux. Non, si tu t'approches du feu, tu peux te brûler. Préserve ton din. Préserve ton Dieu. Tu trouves le bâle et n'aqjaoula, thumma, des questions aux savants, aux étudiants. En fait, il a des doutes. C'est pour ça qu'il pose la question. Ouais, là, il n'avait jamais pensé à Adam. Mais vu qu'il a polémiqué, il a parlé avec quelqu'un, thumma, les doutes. Ya shir, est-ce que ça c'est vrai? Mais que faire si quelqu'un dit ça? Préserve ton din. Apprends ta aqida, reste avec tes frères. Et tu verras que 90% des shubuhat propagés, tu ne seras même pas concerné. Walillahi alhamd. Ça, c'est min shukr an-ni'ma, le point qu'on a vu précédemment. Exposer sa foi, son cœur aux égarés, c'est pas min al-shukr abadan. Est-ce que cet argent que Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, que tu préserves chez toi ou dans un compte en banque et tu fais très très attention, le plus proche parmi tes proches, parents ou enfants, ils connaissent pas combien tu as, ils connaissent pas ton code pour accéder à ton compte, tu préserves hada. Donc, est-ce que cet argent, un jour, tu vas la retirer, maintenant, tout ton argent, et tu l'exposes, hakada, devant des voleurs. Tu vas au marché, et cet argent, tu le poses, hakada, par terre, et tu le laisses, et celui qui veut prendre, il prend. Abadan, abadan. Enfin, pourquoi notre cœur, hada l'iman al-azim, pourquoi on l'expose, hakada? On l'expose et on parle avec un rafidi, on parle avec un ash'ari, tomba avec un juif, tomba avec un athée, tomba. Pourquoi? Pourquoi? Alors que 99% de ha'oula, ils ne veulent pas le haqq. Wallah, il voudrait le haqq, il est exposé, walillahi alhamd, partout à notre époque. Falimada. Même s'ils veulent le haqq, si tu as des faiblesses, n'expose pas, ne te mets pas en danger pour guider les autres. Ça, c'est pas min al-hikmah. Qala, rahimahullah, walihada thabata fi s-sahihayn min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, la yazal al-nas yatasa'aloun, hada Allah khalaq al-khalq, faman khalaq Allah? فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. الحديث اللي في صحيحي كم سيستان وطبعتباش. تأملوا هذا الحديث. لا يزال الناس يتساءلون des شبه. Pourquoi? Parce que certains, ils n'arrivent pas à se limiter à la vérité. Ils dépassent les bornes, ils dépassent les limites. Alors, les gens, ils demandent, Allah, il a créé telle chose. Allah, il a créé les cieux, la terre, etc. À la fin, Shaitan, il leur insuffle. Toute chose est créée. Il vient avec ce raisonnement, c'est grave. toutes choses est créée, qui c'est qui a créé Allah? Comment ils ont des doutes, hein? A'oudou billah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la solution. Faliyakul amantu billah. Ça, ça nous montre anna. La cause pour repousser les doutes, c'est l'iman. C'est pour ça qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé, ordonné de jeter ton iman. Dans ce cas-là, tu fais revivre ce iman. Cette insouciance que tu as eue. Amantu billah. Je crois en Allah. Ça va repousser ce waswas. Qala walyantahi. Vous avez remarqué, on a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il cesse. Comment cesser? Écarte-toi des gens qui propagent shahada. Occupe-toi de ton din. Min husn islam al-mar, tarkuhum ala yanik. Wallahi, tu trouves, on ne dit pas ils font peu d'efforts dans l'ilm. Aucun effort dans l'ilm. Ils sont entre dunya et les réseaux sociaux et niqash. Niqash, et ikhwan, ça fatigue, ça endurcit les cœurs, des choubas. Tu trouves, pardon, ils faisaient des niqash avec tout le monde, ils ont disparu. Aynahum, Allahu a'lam. Al-Salaf, ils mettent en garde contre ceux qui polémiquent beaucoup. Et ils mettent en garde contre la polémique. Ceux qui polémiquent, vous savez c'est qui? C'est ceux qui ne connaissent pas la vérité ou qui ont des doutes. Enfin, anta, si tu ne connais pas la vérité, apprends la vérité. Tu n'as pas besoin de polémiquer. Vous avez remarqué, hein, que ceux qui polémiquent, c'est les gens... Al-ilm, il les a fatigués. Al-ilm, ça les a fatigués. Ils n'ont pas la force d'étudier. Ils essayent de se rassurer en s'accrochant à certaines choses. Et je parle avec un tel, je parle avec un tel. قال رحمه الله فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك وهو ثلاثة أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité la maladie, les doutes, il a cité le remède, l'iman. قال الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية. النبي صلى الله عليه وسلم donc il a cité trois choses. S'écarter des wasawis. On fait attention. Ne supplie pas ton nefs. À chaque fois ton nefs dans ta tête, dans ton cœur, une question et tu suis là. Il faut savoir mettre des limites. Tu dis « A'udhu billahi minash shaitani rajim ». C'est pour ça que, bardoum, ils ont une certaine faiblesse dans leur cœur et le shaitan leur insuffle des choses et ça leur fait énormément de mal. Et eux-mêmes, après, ils suivent. Ils veulent une réponse et ils demandent là et ils cherchent et ça lui fait énormément de mal. Ferme la porte, akhil karim. Apprends ton din. Et en général, hadhihi al-wasawis, ces insufflations salatiques, en général, elles attaquent des cœurs vides ou des gens qui ne s'occupent pas. Et là, celui qui est occupé par l'ilm et qui fait des efforts, bi'idnillahi azza wa jalla, il est beaucoup plus à l'abri. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-shifa li ikhwanina. Et on conseille nos frères, talab al-ilm, faire des efforts dans l'ibadah et écarte-toi des wasawis. Même si ça vient, repousse. Repousse, c'est un jihad. Fais le jihad contre ton œuf, c'est contre ce shaitan. Qala wal-isti'adathu min sharri man alqaha. Na'am, al-isti'adah, talab al-aoud. En récitant matalan, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, en disant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tout ça c'est من الاستعادة. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve contre le mal de ces choses. قال وشبه بها ليضل بها العباد. نعم. من ألقاها وشبه نعم بها ليضل بها العباد والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. نعم. Et كذلك s'accrocher à hadha al-iman, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à ce mu'min. قال وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم أنه مناف للحق. صحيح. Comment connaître que cette chose c'est batil? Avec l'ilm. Celui qui n'a pas l'ilm, ce batil, ça devient une shubha. Entabihu. Ahyanan, tu as une chose, c'est clair, c'est faux. C'est pour ça que pour les gens de science, c'est faux. Ils ont de la science, ils savent que c'est faux, ça s'arrête là, ils s'en écartent, ils mettent en garde. Bardanaz, vu qu'ils n'ont pas de science, cette chose qui est totalement fausse, pour eux, ça devient une ambiguïté. Pourquoi c'est une ambiguïté? Il y a un manque de connaissance pour savoir que c'est faux. C'est pour ça que, min avam al-asbab, pour pousser al-wasa'is et les ambiguïtés et le faux, c'est la science. Avec la foi, et la foi, c'est basé sur la science, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve nos cœurs. قال وكل ما ناقض الحق فهو باطل فماذا بعد الحق الا الضلال. Ça nous montre la tadhun, comme certains pensent. Certains disent cette chose c'est faux et la vérité, et pardon, ils donnent beaucoup d'importance au choubah. Ils disent mais telle chose c'est là, on a des choubah par rapport à l'ignorance. والا الله عز وجل قال فماذا بعد الحق الا الضلال. نكتفي بهذا. C'est bientôt l'heure du Maghrib. عندنا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. On est arrivé à la fin du livre. Non, il reste deux cours, inshallah, un cours, je ne pense pas. Fa alhamdulillah. Kitabul Nafis jiddan, un livre très très important. On conseille à nos frères de le lire, de le relire, de le lire chez eux, de le lire à leurs parents. Il a écrit un livre très très simple, comme les livres de Cheikh Saadi, et vous avez remarqué qu'il traite un sujet essentiel. Ben, le sujet le plus important, la foi. Falhamdulillah. Hayyakumullah. On est jeudi. Enfin, le prochain cours, Inch'Allah, dimanche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanakallahumma hamdik. Shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu.